Vous êtes assez fou pour l'écouter. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. C'est bien, toi, on viendra nous faire goûter des choses dans Tais-toi et cuisine. Et on passe par avec Nicolas Charme. C'est à l'assemblage requis, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 23 janvier 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François Olivier. Et François qui est de retour de vacances. Un très bon retour de vacances hein, ce matin. Ça a passé vite. Hey, ça a mal commencé cette semaine. Raconte-nous tes péripéties. Ça part très mal. En fait, mon auto ce matin était sur le flat. Ta Corsica 1992. 90, excuse-moi. Fais attention, on pourrait être vexé. Et puis, non, c'est ça. Et mon lecteur cassette ne fonctionne plus. Oh, là, tu venais de redécouvrir les cassettes. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, je vais pouvoir les serrer maintenant. Là. Ouais. Ça ne sert plus à rien. Et puis, mon auto ne chauffe pas l'hiver. Donc, ça va bien, ça va bien. Ouais, ouais. En tout cas, si vous avez un auto à vendre. Ouais, absolument. C'est fou. Ben oui. Pas trop cher, par exemple. Non, c'est ça, vraiment. Donc, maintenant, tes vacances ont bien été. T'es allé faire du ski. Oui, oui, oui, ça a bien été, par exemple. Ça, à ce niveau-là, c'était vraiment très plaisant. Les conditions étaient malade mental. Qu'est-ce que je pourrais dire? On a bu beaucoup de bière, on a fait se noyer. Ouais. Et puis, pas d'accident. Hein? Personne s'est blessé. Tant mieux. Ouais, ça, c'est le fun. Et puis, non, il a fait beau. Il a fait beau. On avait un beau chalet. Formidable. Et maintenant, il reste seulement 3 mois environ avant les vacances. Eh, hey, mais ouais, janvier arrive à sa fin bientôt. Oui. Hein? Ça passe vite quand même. Exact. Et cette semaine, ben, c'est la dernière semaine complète de janvier. Donc, c'est la semaine du carnaval ici à UQTR. C'est ça, grosse semaine aussi. On va en parler avec Gabriel Legrasse tout à l'heure. Exactement, vers les quoi, 8h20? Environ. Oui, mais avant ça, et autour de ça, on va avoir plein d'autres chroniqueurs, c'est-à-dire au début de l'émission à 7h15 environ, Kiwan en cavale en direct de l'Alberta. Il va nous parler de musique folk, quasiment country canadienne. OK. Quasiment country. Et c'est très représentatif de l'Alberta qu'il nous dit. Ouais, là-bas, c'est populaire. Ouais. Donc, c'est à 7h15. Ensuite, plus tard dans l'émission, à 8h, Xavier Antoire sera là pour sa chronique Tais-toi et cuisine. Comme toujours, il va, en tout cas, j'imagine, nous apporter du thé. La semaine passée, t'as chialé parce qu'il n'avait pas apporté. Donc, ouais. C'est à lui de réparer ses pots cassés. Amen-y. À 8h30, on aura Nicolas Duchamp avec sa chronique Duchamp et du sport. Il va nous faire un petit survol des actualités sportives de la dernière semaine. Il y a une affaire de football, là. Une affaire de but raté, je pense. Ouais, le botté. Mais écoute, c'est ça, moi, en fin de semaine, j'ai vraiment déconnecté. Oh oui. Tu pourrais me dire, j'ai appris ce matin que j'ai 17 puis ça va pas bien. OK. Je suis vraiment, je sais pas, j'ai fait abstraction des nouvelles. Ouais. Hey, c'est vrai, t'as raté la chronique politique jeudi passé. Ah ouais, moi, ouais. T'as-tu intéressé? Oh oui, François oui. Landry, toujours tout le temps. Ouais. Ouais. Donc voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Puis on va commencer en musique avec la pièce De toute façon de Mono Grenade à l'instant sur CIFO 89.1 FM. Bon carnaval! Carnaval! Oui! Sublime avec le succès Century. Le succès, le succès. Tout, doit vrai, le succès. Tout le monde connaît ça. Ben oui, exact. On aime ça. On aime ça. Ça se dit bien le matin. Oui, vous êtes à Assemblage Requis. Le matin, on sait, on aime ça. On aime ça faire des choses comme, mettons, embarquer dans un camion. Oui. Mettons. Le démarrer. Le démarrer, mettons, et puis aller chercher Kiwan en direct de l'Alberta. Oh. Bon matin, Kiwan. Bon matin. Bon matin à vous, les gars. Ça va bien? Ça va, toi? Super. Oui, très bien. On te réveille de bonne heure à matin, nous autres, là? Oh, va falloir que vous fassiez mieux pour me réveiller, par exemple. Ah ouais, pour vrai. Il est quelle heure, là-bas, là, en ce moment, là? Une heure? Là, il est 5h15. C'est 2h de moins encore. 5h15. Ouais. Pas facile. Mais t'es déjà levé depuis longtemps, cette heure? Ouais, ben je me lève à 4h30 d'habitude, en général. OK. Donc, Kiwan, aujourd'hui, tu nous parles de musique folk, mais presque country canadienne. Oui, c'est ça. C'est un style peut-être que vous êtes un petit peu moins habitué d'entendre au Québec. Ouais. Je sais que moi, en tout cas, j'ai jamais été un très grand fan même de musique folk. C'est pas purement country là, ce que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. C'est plus folk. Mais j'ai même jamais été un très, très grand fan de folk. Toujours un peu apprécié. Mais évidemment, depuis que je suis ici, j'ai comme pas vraiment le choix d'en écouter un peu plus parce que presque tous les groupes locaux ici sont un peu teintés de folk, même quand c'est pas complètement folk. Là, même les groupes rock, tu sais, ont des influences là, de la culture ici qui est comme typiquement cowboy et folk. Donc, il y en a un peu partout. Et puis, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir deux de ces artistes-là, dont un artiste, entre autres, qui est natif et qui a grandi ici à Medicinat, en Alberta, qui habite maintenant à Vancouver depuis quelques années. Son nom, c'est Zach Pick. Et il a lancé son premier EP, lui, en 2009, qui s'appelait Fierce Wind, et dont j'avais jamais entendu parler. Et son deuxième EP, c'est un petit EP de 4 pièces seulement, il s'appelle White Water, c'est sorti en novembre dernier. Et ça commence à jouer un petit peu dans le coin ici, entre autres la pièce titre White Water, qui commence à tourner un peu, je l'ai entendu quelques fois. Puis donc c'est très folk, vous allez voir. Mais contrairement à son premier album qui était vraiment le plus qui était plus classique, plus typique comme son. Typique, c'est un jeu de mots exact. Pique, typique. Typique, c'est exactement ça. Typique. Je suis, hein. Donc son deuxième album est un petit peu plus des arrangements, je dirais un peu plus pop, un peu plus moderne, mais vous allez voir, ça reste quand même très très classique. Là. C'est quelque chose que vous entendez pas tant là, chez vous. OK. Donc ça, c'est pour Zach Pick. Et deuxième artiste que je veux vous présenter, Ruben Bullock, qui n'a apparemment pas de lien de famille avec Sandra Bullock. Non. Mais Ruben Bullock, lui, est de Calgary. Et un son, lui aussi, quand même assez typiquement folk. Même, vous allez voir, lui, un petit touche quand même un peu plus moderne aussi. Un son un peu lo-fi, des arrangements des fois un peu plus rock aussi. Puis lui aussi, il y a un nouvel album qui vient juste d'être lancé. En fait, j'ai essayé de trouver là, l'album. Il est même pas disponible présentement, même pas en format numérique. Il est présentement en train de faire une tournée pour lancer cet album-là un peu partout en Alberta et en Colombie-Britannique, en Saskatchewan aussi. Et puis, c'est l'endroit présentement où on peut où les gens peuvent se procurer son album. C'est la seule façon présentement de l'acheter. Puis, dans sa tournée, là, il partage souvent la scène avec des artistes assez connus ici, dont entre autres Lab Ghost et Creative City, qui sont des groupes assez connus dans les prairies, je dirais. Puis vous allez voir Ruben Bullock, un son qui ressemble un peu dans son style un peu lo-fi, puis un peu folk rock. Vous allez peut-être trouver des ressemblances avec Chad Van Gelen, qui est aussi de Calgary. Et ce serait logique et normal de trouver des ressemblances puisqu'il partage le même guitariste, Scott Monroe. Ça fait partie des deux bands, donc de Chad Van Gelen et de Ruben Bullock. Voilà. Vous allez peut-être entendre des petites ressemblances avec Chad Van Gelen. Parfait. Formidable. J'ai hâte d'entendre ça. Moi, si ça ressemble à Chad Van Gelen, je pense qu'on est... Bon, on aime ça. On aime ça. On est de ton bord. J'espère que vous allez pas trop détester cette musique-là. Ben sinon, on mettra ça sur ton dos, hein? Ben oui, Alberta, pareil, tu t'en rendras pas compte. Hein? Exactement. Bon. Alors voilà, merci Kiwan, c'est déjà tout? Ben oui, ça a été bref aujourd'hui. Hein? C'était rapide. Ouais. On aime ça, c'est correct. Des fois, une fois de temps en temps, même. François, les mises à jour de météo sur l'Alberta, quelque chose du genre, non? Ouais, ça ressemble à quoi? On a eu beaucoup de neige en fin de semaine. Il y a eu comme un genre de petite tempête. Puis dans la semaine passée aussi, là, donc dans les peut-être la dernière semaine, 10 jours, là, on a eu beaucoup de neige. Sinon, on n'en avait pas. Mais c'est quand même très doux. Là. La semaine passée, il a fait comme extrêmement froid, moins 30. Mais depuis une couple de jours, là, c'est présentement aujourd'hui, je pense qu'il fait comme moins 1. Donc, c'est quand même très, très vivable. Ouais. Bon. Bon. Prendre un petit café Baileys en l'honneur du carnaval étudiant en ce moment. Ça réchauffe toujours, oui. De toute façon. Oui, c'est ça. Ben, comme à tous les matins, en fait. Moi, okay. C'est à tous les jours. Ah, c'est pour ça que tu as l'air vraiment aussi excité de nous parler. Donc, merci, Kiwan. À la semaine prochaine, lundi, à 7h15. Oui, à la semaine prochaine. Bonne semaine, les gars. Bye. Merci, bye. On écoute tout de suite Zach Pick et la pièce Whitewater à Assemblage Rookie. Time is a river, babe, moving so fast over the banks of the bodies we have. Time is a river, babe, don't know how deep we wade in and get swept off our feet. Time is a river, babe, over my head, capsized our boat. There's no turning back. Time is a river, babe, carving a path. Flooded may flow to the ocean at last. Oh, out of water, we're in you. I believe we've got to try to hold that line. Make moments last before they have passed. Cracks. Days are but grains in the old hourglass. Time is a river, babe, drowning our plans. Treading the current, we reach for the land. Should have seen it coming down the track.

VCMG et Victory Flower Fields dans la chronique CNX d'Assemblage Requis. Hein? Ça, moi, j'aime bien ça. Ça ressemble à une chanson, mais on n'est pas capable de la replacer. Non, on n'est pas capable de la replacer. Une fille qui chante. Ouais, ouais. Mm. Vous la connaissez sûrement, vous autres. Maintenant, on va parler du journal étudiant, le journal de l'UQTR. C'est ce qu'on appelle le Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Zone Campus, qui est en kiosque du 23 janvier au 5 février 2012. En couverture, on retrouve les Jeux du commerce 2012. 6 podiums pour l'UQTR. C'est avec une grande fierté que la délégation 2012 des Jeux du commerce est revenue de Québec le 8 janvier dernier après 4 jours d'efforts soutenus. Donc, allez voir l'article dans Zone Campus en ce moment. Toujours en actualité, on revient sur l'importante décision du CA de la GAQTR sur l'affichage en français, là, un des sujets les plus débattus lors de la dernière séance du CA de la GAQTR le 11 décembre dernier. L'affichage en français sur le campus, donc pour les détails, c'est dans l'article dans le Zone Campus. Il y a les portes ouvertes à l'UQTR qui ont lieu le 28 janvier prochain. C'est une journée information et admission. Le campus de l'UQTR à Drummondville, c'est parti avec 2 programmes disponibles à compter de l'automne 2012. L'UQTR monte 5 fois sur le podium cette fois-ci pour les jeux de génie. Donc, on revient vraiment sur le jeu de génie et jeux de la communication. Deux sortes de jeux différentes, mais avec beaucoup de succès quand même. La fondation l'UQTR qui remet près de 600 000 $ en bourse aux étudiants. Il y a l'article en pleine face de Simon Fitzbé, c'est son genre d'éditorial texte d'opinion qui s'appelle La honte. Et ça parle entre autres de la fabrication par des gens sous-payés en Asie, entre autres de l'iPhone et de plein d'autres produits électroniques. C'est Foxconn, c'est formidable, les suicides. Là, okay. Les suicides de partout. Là. Il y a une section spéciale sur l'alcool dans les zones campus de ce... Faites attention à l'alcool! Oui, c'est dangereux, ces affaires-là. Oui, vraiment. On parle entre autres du carnaval étudiant à l'UQTR, donc évidemment, l'alcool est au centre de tout ça. On dit, êtes-vous conscient que l'alcool nuit aux études? Voilà pour la section actualité. Formidable. Du côté de la section société, on a Marie-André Gauthier qui nous parle encore de féministe. Ça se renvoie la balle en Sébastien Dulude. Oui, c'est ça, exactement. Elle fait mention à ce que Sébastien Dulude écrivait dans son article précédent numéro. Ouais, merci. Et puis, on a Michael Magny qui nous parle de 2012, l'apocalypse. Qu'est-ce qui va se passer en 2012? Hey. Évidemment, la fin du monde est prévue pour... c'est quoi la date exacte? Le 14 décembre? Oui, ça, c'est la fin de l'année. On a vraiment le temps de vivre l'anneau complet. Oh, ouais, exactement. Bref, endettez-vous. Ben, c'est ça. Les cartes d'ingrédients, oui, non. Ching, ching. Non, faites pas ça. Et puis, Jean-François Veilleux nous parle des 10 choses à savoir sur le drapeau du Québec. Évidemment, on retrouve le fantasque ainsi que les jeux. Bien évidemment. En art et spectacle maintenant, on revient sur le match spécial de la Luître qui a remporté les honneurs. C'est ça, c'était la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières qui a joué contre la Cocu ou la Cocus. Là. La Cocu ou la Cocus. Une autre ligue d'improvisation et c'est la Luître qui a gagné. Ensuite, une revue mordante de l'année 2011 par les Apartistes. C'est un spectacle qu'ils ont donné le 6 janvier dernier. Ensuite, on revient sur le spectacle de Cœur de Pirate qui a charmé le public au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. C'était le 14 janvier passé. Le cinéma envahit la ville avec les nouveautés de l'ONF à Trois-Rivières, entre autres le film So-Called, le film avec l'artiste Josh Dolgin. Et on parle de l'île Saint-Quentin où c'est facile d'aimer l'hiver. Il y a un dernier article sur le centre d'exposition Raymond Lanier. 2 nouvelles expositions qui ont lieu là-bas, c'est-à-dire La quête, Histoire d'équilibre de Karine Hébert et Érosion de Valérie Guimond et Mylène Gervais. Voilà pour les arts et spectacles. Fantastique. Du côté des sports, Magali Chauvin nous raconte en fait la victoire des Patriotes au soccer féminin qui l'emporte 2-1 contre le Vert et Or de Sherbrooke. Du côté du soccer masculin, l'UQTR s'incline 4-1 contre aussi Sherbrooke. On voit aussi un profil de Patriote qui est Olivier Hott, qui est sous les projecteurs, qui est joueur de hockey ici pour les Patriotes. Hot! Hot! Et puis, on parle du 20e édition du tournoi de soccer, invitation collégiale, les Patriotes. Évidemment, c'est pour rehausser la relève qui s'en vient dans nos rangs. Maxime Bilodeau nous fait toujours sa chronique d'une foulée à l'autre, les formules toutes faites. Qui nous parle, je sais pas, Matt, est-ce que tu l'as lu? Non, pas encore, mais j'ai hâte. Par contre, conditionnement physique, des trucs comme ça. Qu'est-ce que j'entends par formule toute faite? Vous savez tous ces plans d'entraînement et diète alimentaire supposément efficaces, promettant 1001 résultats en un temps record. Donc, il parle contre ça et sûrement que ce n'est pas réaliste. Non, c'est ça, exactement. Et puis, on revient sur la victoire des Patriotes au hockey, 7-5 sur Carleton. Et puis, 5-1, la victoire face aux GGs. Et puis, il nous parle que la confiance revient en force beau au niveau des Patriotes du hockey. Il faisait sombre, je pense, ce jour-là, dans le match de hockey. Ouais? Ouais. Il manquait de couleur, je pense. Donc voilà pour le Journal sur le campus, c'est du 23 janvier au 5 février 2012 que vous pouvez retrouver ça en kiosque, et c'est un petit peu partout sur le campus de l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières, zone campus, parce que ça vous concerne. Je vous rappelle de ne pas oublier d'aller commenter et partager les articles sur le blog au zonecampus.ca. Oui, on peut poster ça sur Facebook, on peut... Twitter même. Twitter. Hey, on peut le faire imprimer même. Si je savais comment ça marchait. Twitter ou l'imprimante? Les deux. Toi, un fax par contre. Hein? Bah, tu faxes un article. Ça va bien. voilà donc, nous, ben, on va terminer cette heure-ci là. Si là. Si là. Si là. Si là, là, là. Parce qu'on a une grosse, grosse, grosse deuxième heure à vous proposer tout à l'heure. On va avoir à 8h à la chronique de Xavier Antoire. Tu nous parles de thé et de cuisine. Et de toi. Oh, merci. Parce que c'est thé, toi et cuisine. Oh. Et puis on reçoit aussi Gabriel de Grasse qui va nous parler du carnaval vers les 8h20 environ. Environ. Et ensuite à 8h30, on aura Nicolas Ducharme et Ducharme et du sport. Viens là, Xavier, viens là. Xavier est là. Hey. Ah ben, il l'a amené le thé, là, cette fois-ci. Il l'a amené. Hein, tu l'as chialé. Il y a même un chandail aux couleurs des Patriotes. C'est vrai? Et un bandana. Bandana. Bandana. Mais c'est ça. Pour l'instant, on écoute l'Info Campus et puis on revient avec plus d'Assemblage requis. C'est là. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce lundi 23 janvier 2012. On vient tantôt avec Xavier Antoire et sa chronique Tais-toi et cuisine, mais pour l'instant, voici une pièce dont on a créé un monstre. 5.0. 89 FM, c'est fou. Encore une fois, ben bon carnaval, ça commence bientôt. Je vois les tucs partout. Tucs de laine. C'est à peu près de la laine. Je sais pas si c'est synthétique. Pas. De la laine, moi. Ils sont belles. Je mets tout de côté pour tempérer. Je lève le son. La formation On a créé un monstre et la pièce 5.0 à Assemblage requis. J'adore donc cette pièce-là de leur album L'Iceberg. Oui, c'est bon. Oui. C'est bon, on aime ça. C'est très, très bon. Donc, vous êtes toujours à Assemblage requis. Il nous reste encore une heure à l'émission et on a plein de sujets à aborder plus tard. Le carnaval, les sports. On a de la soupe à gouper. La soupe à gouper. La soupe à gouper. Bon, ben. La soupe à Xavier. Quoi? On recommence. On reprend la scène, tout le monde. Prise 2. C'est Tais-toi et cuisine. C'est moins fort cette semaine, là. Je chante plus fort que ça. Je peux pas chanter plus fort que ça, j'ai beaucoup crié samedi. T'as trop crié, t'as cheerleading? Ouais! Oh ouais! Compétition? Oui, une compétition civile, donc c'était pas notre catégorie à nous, les quatre. Ça s'est bien déroulé? On participait pas. Okay. Moi, j'étais allé les voir. Ah, ok, ok, ok. Ben, justement, d'anciens patriotes qui étaient en compétition dans des équipes civiles. Okay. Justement, et, on a une personne qui s'en va pour les mondiaux du cheerleading. Oh, quand même! Voilà. Une personne qui l'a fait ici à l'UQTR? Oui. Ouais. C'est qui? On peut la nommer? Félicitations. Ben, c'est Jérémy Roy, dans le fond, qui a participé de l'équipe Open Coed niveau 6, qui a raflé la troisième place, donc sa place aussi pour les mondiaux de cheerleading 2012 à Orlando. Wow. Félicitations, Jerry. Voilà. Donc, Xavier Antoine, qu'on reçoit pour sa collègue Tais-toi et cuisine. Bon matin. Xavier. Tu nous amènes de la soupe aujourd'hui. Oui. C'est quand même intriguant. C'est de la soupe... Soupe wonton. Non. Pas tout. Avec du thé. Oui, c'est ça. C'est une soupe... ben, c'est, en fait, c'est une soupe genmaicha gingembre. Genmaicha, c'est une sorte de thé que j'ai oublié de vous ramener aussi pour vous le montrer. C'est un thé vert avec du riz brun à l'intérieur. Et c'est pour ça, justement, que j'ai pris du genmaicha. C'est vraiment un thé vert traditionnel japonais. Dans le fond, ce thé-là a fait son apparition dans une période de crise au Japon. Justement, ils voulaient rendre le thé beaucoup moins cher, plus accessible. Exactement. Donc, ils ont rajouté du riz brun. Donc, ça reste toujours dans le traditionnel. Ok. Donc, est-ce que ça goûte le riz? Tu peux le goûter. Mais ok, le c'est chaud. Il doit être tiède. Très tiède. C'est voulu que ça soit tiède ou? Non. Ok. C'est juste que j'avais peur de débarquer dans le studio un petit peu en retard, donc je dis comme ok, j'arrête le micro-ondes puis je le réchauffe. Ok. Le François, il a des doutes là. Ah, c'est bon, la soupe froide, je trouve ça. Là, tu pourras aller le réchauffer. Je laisse le bol et puis je te récupère ça plus tard. Y'a pas de problème. Moi, goûter quand même. Moi, goûte ça. Hein? Dans le fond, si j'explique le processus par lequel je l'ai préparé, j'ai fait. C'est bon. Voilà. Est-ce que j'ai l'habitude de faire des choses pas bonnes? Non. Voilà. Voyons donc. Non, c'est super bon. Ça goûte. J'avoue que ça goûte le thé. Bon, pour une fois qu'il dit pas, je goûte pas encore le thé. C'est ça. Alors, dans le fond, comment j'ai préparé ça? C'est 5 cuillères de genmaicha, en sachant que pour une tasse normale de genmaicha, on prend une cuillère. 5 cuillères de genmaicha avec 2 tasses et demie d'eau au total, mais splittées en deux. 3 tranches de gingembre, environ 200 grammes de poulet dans le fond, de filet de poulet. Donc j'ai fait infuser une tasse et quart d'eau. J'ai fait infuser le genmaicha une première fois pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, j'avais mon poulet qui cuisait vraiment avec les tranches de gingembre, 2 pincées de sel. Une fois que le poulet et le gingembre ont été cuits, je les ai comme tout égoutté. J'ai remis le thé avec le poulet. J'ai refait infuser le reste, enfin, dans le fond, l'autre tasse et quart. J'ai rajouté. J'ai ajouté après ça une cuillère de sauce d'huître, justement pour une cuillère à thé de sauce d'huître, juste pour donner un petit salé de plus, parce que je voulais pas mettre de sel en tant que tel à l'intérieur. Et justement pour donner la légère coloration brune aussi. Et j'ai rajouté après ça les fèves de... Les fèves, c'est ça. Les fèves. Les bines. Les fèves. Moi, première dégustation comme ça, là, je trouve qu'il manque de poivre. Mais ça, vas-tu... J'en ai pas mis. Non, c'est ça. Mais moi... Ça donne au goût, comme on dit. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que je mets beaucoup de poivre un peu partout, là, mais... Pour que je pense que tu masques complètement le goût de tout. Non. Moi aussi, j'avais su un fan de poivre. Si j'avais mis du pain, je leur ai dit, ah, ça goûte pas le pépin. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bon. Évidemment, c'est pas chaud, mais... Ouais, non, c'est pas chaud. Mais tu pourrais le réchauffer. Oh ouais, c'est ce que je vais faire. Caline, François, on le sait qu'il est pas chaud. Non, il est pas chaud partout. C'est pas chaud. Goody, tu vois, pas chaud partout. C'est chaud? Non. Allez, c'est un peu. Même pas. Chaud. Donc voilà pour la soupe, j'ai hâte d'y goûter. Moi, je suis du côté de la console, donc j'attends. On va éviter. Traverse pas ça. Toi, non. Mais au niveau accord que je vous ai proposé aujourd'hui, dans le fond, j'ai pris un thé oolong qui s'appelle le Dragon d'Or. C'est dans le fond, c'est un thé oolong avec de la citronnelle et de la menthe poivrée. Ça sent bon. Ça sent la menthe, ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de très délicat. J'ai pas voulu prendre quelque chose de trop délicat ou de pas ou de comme pas délicat ou de trop fort, justement parce que personnellement j'aurais peut-être mis une touche de menthe dans la soupe, mais justement je l'ai pas mise parce que justement le thé aurait bien apporté ce petit côté là. Apporté. On n'est pas sorti de l'auberge. Non. Donc on est même pas rentré. Le Dragon d'Or qui est un houlang, j'aurais pas pris de thé noir, justement j'hésitais entre un thé vert ou un thé houlang. Si j'avais pris un thé blanc, ça aurait pas eu assez de puissance, sauf peut-être que c'était un Bai Mudan. Mais même là, à ce niveau-là, je pense que ça aurait pas été assez puissant. Ouais. Ça goûte vraiment beaucoup la menthe. J'aime ça. Une fois de temps en temps, pas trop souvent, parce que moi, la menthe, disons qu'à un moment donné, je me tente, mais ça, j'aime bien. Et puis, si moi, normalement, tu le prépares en thé glacé, le Dragon d'Or, c'est beaucoup plus la citronnelle qui se goûte. Donc là, à ce moment-là, ça va vraiment goûter comme thé glacé qu'on trouve dans les épiceries ou quoi que ce soit. J'aime ça, ouais. Et est-ce qu'on peut atteindre un quota? Est-ce qu'il y a une limite, exemple de thé qu'on peut boire dans une journée? Est-ce que t'es limité là-dedans? Ouais, merci. Ben, je te dirais que non. Le thé est un diurétique, donc je te dirais que... Ça fait aller à la toilette. Exactement. Donc, juste à boire de l'eau en même temps, justement, pour se réhydrater un petit peu, même si ça a déjà de l'eau. Et puis, il semblerait qu'en Chine, ils boivent comme environ 10 litres de thé par jour. 10 litres? Donc, on s'entend qu'ils boivent que ça tout au long de la journée. Wow. Donc, c'est ça. Ils vivent vieux. Aussi. Ben, au Japon, encore plus. Mais c'est ça. En parlant de Chine, bonne année les enfants. C'est l'année du dragon d'eau qui commence aujourd'hui. C'est mon année. Ah pour vrai. Et je suis dragon. Et donc voilà. Mais c'est ça. Donc je vous dirais que j'ai été vraiment comme très très très content de faire ce premier défi pour toi François. C'est vrai, c'est François qui l'avait demandé. Hein. Merci Xavier. Puis, il y a des bonnes suggestions François quand même. Quand même. Ouais. J'ai juste hâte d'entendre son prochain défi pendant 2 semaines. Ouais. Okay. Pour dans 2 semaines? Oui, pendant 2 semaines. Les défis, c'est toutes les 2 semaines. Une semaine, c'est un accord, mais... Exactement, je travaille sur des accords par-ci, par-là. OK, ben je te parle de thé alcoolisé. OK. De quoi pour dans 2 semaines? Ouais. Des shooters, genre? Des petits, non, ben, des boissons. Bref, il faut qu'il y ait du thé et il faut qu'il y ait de l'alcool. Ça peut être des shooters, ça peut être n'importe quoi. Okay. Même du vin, blanc. Attention, j'ai déjà fait de la sangria à base de thé. Ah, okay. Intéressant. Mais, ça, on veut y goûter, là. On veut un gros pot, là. Une cruche, s'il te plaît. On sera sorti de la période du carnaval à ce moment-là. Donc, Ce sera pour ceux qui veulent faire continuer leur carnaval pendant encore un petit moment. Ouais. Mais je vous dirais que je vais peut-être vous donner... Garde-nous des surprises. Tu veux pas une première idée? Oui, comme ok, oui, je veux une surprise. Mais justement, la sangria, à la base, c'était une recette qui avait été donnée avec une tisane qui s'appelle Goji Pop. Mélange de melon, miel, avec un petit peu d'hibiscus, des morceaux de pommes, des baies de goji. Donc quelque chose qui va quand même devenir assez rouge une fois infusé. À mêler avec une tiers de tasse de triple sec et une tasse de vin rouge. Okay. Et malheureusement, moi, j'aime pas ça, le vin rouge. Ah, c'est vin blanc, oui. Moi, je suis très vin blanc. Ouais. Donc, j'ai essayé la première fois avec du vert et fruité, qui est un rooibos vert, avec des morceaux de pomme, papaye, pêche et mangue à l'intérieur. Et c'était génial. Ouais. Pomme, papaye, pêche et mangue. Ouais. Wow. Ça, c'est frouelle. Ouais. Ben, c'est ça. Comme une soupe. Comme une soupe. Comme cette soupe. Comme ma soupe. Mais non, parce qu'il y a quand même beaucoup de glace là-dedans. Puis, justement, ça permet de donner une bonne autre petit côté. Mais même à ce niveau-là, tous les types de thé peuvent accueillir de l'alcool à l'intérieur. Ok. Donc je te dirais, secret du Père Noël que vous avez déjà goûté. Ouais. Ajoutez à ça, je vous dirais, un petit peu de Tia Maria avec comme une once de Tia Maria et demi-once de crème de menthe. Ok. C'est bon. Ça, tu fais infuser ça tout ensemble? Dans l'eau chaude? Non, dans le fond, tu fais vraiment infuser ton thé en concentré pour avoir quelque chose de plus fort. Et après, tu le mets dans un shaker avec de la glace, avec l'alcool. Et voilà. Oh, miam. Donc, dans 2 semaines, le défi. La semaine prochaine, tu vas nous faire... La semaine prochaine, je vais essayer de goûter à plein de cuisines. Je vais avoir tout mon attirail de thé autour de moi. Puis je vais essayer de... OK. Là, je goûte plus le plat, je goûte juste le thé. Ah, là, je goûte juste le plat, je goûte pas le thé. Là, je sens les deux. Et ça, c'est parfait, c'est l'équilibre entre les deux. Ouais, c'est ça. D'accord. L'équilibrité. On aime ça quand un thé rehausse le plat et quand le plat rehausse le thé. Et comme les deux veulent se rehausser chacun à l'autre, mais que ça monte et ça devient trop. C'est comme un combat de tétan. Non, je sais, mais je suis pas capable. De tétard. Il est jamais trop tétard. Pourquoi tu parles de tétard? Je sais même pas, c'est François, c'est pas ma faute. C'est quoi le rapport avec le tétard? Non, mais trop tard. OK, moi je vous dirais que j'en ai assez. J'en ai soupé de soupe. souper. Tu l'auras. Tu l'auras, tu iras le réchauffer tout à l'heure. Puis si tu veux, tu peux le garder. Je te laisse. Tu veux que je te laisse le bol? Ah, calme, mais oui. Le grand bol. Okay, puis je récupérais ma planche de la session. Je l'ai. Deux mois. Ah, tu l'as avec toi? Oui, je l'ai. Ah, okay. Fais-moi les pensées. C'est là qu'on s'en va. Ouais. Okay, ben, c'est parfait. Ben, je vais attendre un petit peu. Je vais. Je vais aller discuter avec M. Janvier, puisque c'est son mois en plus. En plus, puis, c'est et ça, discuter, puis... en plus. Oh, oui, je vais discuter avec lui. Non, mais il faut que je sorte, justement. Tout de suite? Ben, tout de suite. On vous en reparlera en rond. Ouais. Donc, non, mais rappelons aux gens, pour ceux qui ne suivent pas, que Xavier a fait une bûche de Noël pour une chronique en décembre. Et puis, François avait gardé la planche et le reste de la bûche pendant beaucoup trop longtemps. Oui, dans son auto, parce que... Je l'ai oublié dans ma valise, et ça fait beaucoup de dégâts, hein. Mais ça, c'est pas ton problème. OK. Là, c'est toi qui courais après. Oh, ouais. Mais son auto a trouvé ta bûche excellente. Ah, je pense bien. Donc, Xavier, la semaine prochaine, lundi, à 8h, juste. Oui. Merci beaucoup. Merci, Xavier. Plaisir. Bonne semaine, bonne semaine. Tantôt, on va recevoir notre ami Nicolas Ducharme pour sa chronique du charme et du sport. On va parler de football, sûrement, de hockey, de hockey bottine, peut-être. Oui, je sais pas, peut-être. On va faire le tour des ligues de hockey bottine. La snoot, là. Je sais pas, j'essaie de l'amener dans mon équipe, là, Nicolas. Ah, pour vrai, il y a du talent là-dedans. Ouais, bien sûr, mais... Fais pas le champ parler, hein. Faut bien qu'il y ait un talent à un moment donné. Moi, j'ai rien dit. Il m'a dit talent, Nicolas Ducharme. Ah, je sais. Mm-hmm. Il y en a beaucoup. Mm-hmm. Il remplit plein de choses, Nicolas Ducharme. Donc, on va prendre pour l'instant une petite pause musicale et après ça, on va entendre, on va recevoir Gabriel Legrasse pour parler un petit peu du carnaval étudiant. Les activités aujourd'hui à venir. Il y en a tellement, tellement. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre cette semaine aussi. Oui. Mais avant ça, on écoute The Bar Brothers. Voici Give the Devil Back His Heart au 89 FM. C'est Assemblage Rocky jusqu'à 9h. Take nothing to the heat. The Bar Brothers et Give the Devil Back His Heart à Assemblage Rocky au 89.1 FM. Et vous le savez, toute la semaine, c'est la semaine du Carnaval étudiant 2012 et on en parle avec Gabrielle Degrasse. Bonjour. Bon matin. Allô, allô, ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va, merci. T'as de l'air en pleine forme? Oui, ça va. Un peu stressé, là, mais ouais. Ça va, ouais. Une grosse semaine. Ça commence ce matin. C'est déjà commencé, en fait? Oui, ça commence à 8h ce matin dans 10-12 avec les Cafés Bellets. OK. La meilleure partie, certains diraient. Non. Ça réveille bien. Une des bonnes grosses parties du carnaval. Ça, c'est l'activité, en fait, récurrente à chaque matin. Exactement, oui. Jusqu'à jeudi. Oui. Et puis, ça coûte combien? C'est quoi? Dans le fond, c'est 1,50 le café, puis c'est 1$ l'once de café de Bellets que tu mets dedans. OK. Tu peux en mettre comme tu veux. Ouais, ça sera obligé. C'est comme des cours. Et puis, c'est ça se déroule de 8h à 10h? C'est 2h, exactement, ça? C'est ça. OK. Et ça, c'est chacune des associations qui sont... Ils ont été pigés au hasard, okay. Dans le fond, durant 5 à 7. OK. Pour s'en occuper? Ouais, c'est ça. OK. C'est eux-mêmes qui ont mis leur nom volontairement, puis nous, on a pigé au hasard. OK, parfait. Formidable. Donc, aujourd'hui, première journée du carnaval, on peut s'attendre à quoi comme journée? Une grosse journée quand même, une première grosse journée. De un, parce que ce soir, l'an dernier, dans le fond, c'était le spectacle de musique qui avait lieu le lundi. Ouais. Cette année, c'est l'inverse. Dans le fond, c'est les spectacles... D'humour? Exactement. Donc, une dure qu'une bière qui va avoir lieu ce matin. Ensuite, le show de... Ce matin, là, on parle... ce soir. Okay. Avec le show d'humour, c'est ça. Puis demain, c'est le show de musique. Show d'humour, c'est Guillaume Wagner. Exactement, qui va être là ce soir, ouais. Donc, c'est ça. Sinon, c'est pas mal les mêmes activités que l'an dernier, je vais vous dire, là, pour au niveau du lundi, là. C'est quand même assez semblable, ouais. Donc, 10h, en fait, 8 à 10, Café Bellets. 10h, le défilé de la parade. C'est ça, exactement, qui part du pavillon Michel Sarrazin, puis qui s'en vient jusqu'ici. Ensuite, ils ont des chorégraphies à faire dans le 10-12, donc ça finit dans le tour de midi. OK. Vers midi et quart, on donne la feuille de la liste. Donc, dans le fond, la liste qui La liste? La feuille du vidéo, qui, dans le fond, c'est une vidéo qu'ils ont 4 jours pour faire. Okay. En lien avec leur thématique. OK. Ça peut ressembler à quoi, mettons, comme... Cette année, ben, l'an dernier, c'était vraiment c'était avec ton époque, là, parce que mettons avec l'air qu'on a eu. Là. Mais cette année, on s'attend jamais vraiment à ce qu'ils vont venir parce que je vais t'avouer que les assos ont toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagination. C'est très original. Ouais. Et ça, c'était à midi et quart? Exactement. Ils vont faire la remise des feuilles dans la chasse, pas dans la chasse-galerie, dans le 10-12. OK. Ouais. OK. Et après? Ensuite, il y a les sculptures de neige qui vont avoir lieu juste ici à l'heure des Patriotes, aux alentours de midi et quart, midi et demi. Je ne me rappelle plus exactement de l'heure de début. Ça dure 1h30. Puis ensuite... Donc, les associations ont 1h30 pour faire des choses obscènes. Une sculpture, c'est ça qui représente... Il y a des règles là-dedans. Mais ça représente, dans le fond, quelque chose qui est en lien avec leur thématique, en fond, qui est un endroit où pourrait se trouver Charlie. OK. OK, très bien. C'est ça, parce que c'est ça le thème de cette année. C'est où est Charlie, oui, exactement. Charlie. On a Robert Charlebois, qui est le concours de musique avec les instruments recyclés, qui a lieu dans la chasse-galerie. OK. L'heure exacte, je pourrais pas vous dire. C'est l'après-midi. Exactement, cet après-midi. Puis ensuite, on a les salons ce soir qui commencent à 6h30. Puis il y a une activité entre les deux, puis j'ai un blanc de mémoire. Mais les salons, c'est où les gens doivent monter leur propre exactement, salon dans 10-12 à compter de 6h30 ce soir. Ouais. Parfait. Formidable. Et puis le spectacle d'humour commence à... Une joke, une bière qui est de 7h30 à 9h30. OK. Ensuite, cette année, nouvelle formule, dans le fond, on vide tout le 10-12 après une joke, une bière. OK, vous sortez tout le monde. On sort tout le monde, tout ce qu'il y a dedans. La bière, qui est à terre, j'imagine. Non, ça, on la laisse là. On la laisse là, c'est pas grave. Ça met dans l'ambiance. On va la laver plus tard. OK. Puis, dans le fond, c'est ça, ce qui arrive, c'est qu'ils vont tous vider leur salon. Ils ont environ 40 minutes pour tout vider. OK. Ensuite, ils refont une file comme un 10-12 normal, puis on fait rentrer tout le monde. Okay. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, pour avoir vraiment une salle de spectacle parce que l'an dernier c'est parce que l'an dernier le monde a vraiment innové pour les salons, ils ont sorti des affaires incroyables, ce qui fait qu'il y a des assos mettons qui voyaient pas le spectacle des trucs comme ça. Fait que cette année on essaie de corriger un peu ça. Oui, c'est un peu plate de vider son salon parce que c'est le concept, mais je pense qu'en bout de ligne la satisfaction de tous les participants va quand même être là pour les spectacles. Ouais. Formidable. Et puis ça en fait là, exemple, je suis étudiant, j'ai pas de chandail. Est-ce qu'il y a encore moyen de... Dans le fond, normalement, t'es supposé d'avoir un responsable d'assaut qui s'occupe de toi. Ils doivent venir chercher les boîtes. Dans le fond, on va être au 10-12. Après la parade, chaque assaut a sa propre boîte avec ses chandails dedans, compter déjà ses grandeurs, toutes ses bocs. Puis ils viennent les chercher quand ça va être l'heure de la parade. Ouais. Formidable. Et ça prend ça pour pouvoir rentrer? Pouvoir rentrer, oui. C'est ça, dans toutes les soirées. Ouais. Formidable. Merveilleux. Merci beaucoup, Gabriel Legrasse. On se revoit demain plaisir. Matin. Plaisir, oui, même heure. Demain matin. Ouais, exactement, je vais être là. Ouais, ce sera pas nécessairement la même heure à tous les jours, mais demain, on sait que ça va être. Je vais être là pareil. Parfait. C'est ça, je suis là. Tu es dans les parages maintenant. Oui, je suis pas Gabriel Legrasse, organisatrice, on peut dire, du. Coordonnatrice. D'accord. Je voyais organiste du côté de ton chandail. Organisateur, mais c'est dans mon monde. Ah, quand même. Ah, mais ils sont beaux vos chandails avec des lignes. Ouais, ils sont beaux. Merci, merci. Très joli. Ouais. Donc, voilà, à demain. À demain. Merci. Pour l'instant, nous, on s'en va écouter une pièce de la formation Le Grand Nord. Voici Fille le feu. Et puis après ça, on parle de sport avec Nicolas Ducharme. Vous êtes à l'Assemblage Rocky jusqu'à 9h. De croire que tu tiens encore debout à part la peur de sortir à part les nuits sans dormir la fille de feu t'a brûlé le cœur. Tu t'en remets, pas la peine de compter les heures. Tu t'en remets, tu t'en remets. De tomber de haut te prend encore et si l'envie d'avoir mal te monte à la tête la vie te brûlera ton cœur. La fille de feu t'a brûlé le cœur. Tu t'en remets, tu t'en remets. Retour, on parle de sport avec Nicolas Ducharme. C'est du charme et du sport. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Nos histoires folles et Mélodie mécanique de Galaxy sur l'album Tigre et Diesel à Assemblage Requis jusqu'à 9h. Jusqu'à 9h. Maintenant, on va parler de sport. François, je sais que tu n'es pas tellement au courant de ce qui s'est passé en sport, mais une chance qu'on a Nicolas Ducharme de l'Écho de Trois-Rivières. Bonjour Nicolas. Eh hey, bon matin messieurs. Comment ça va? Ça va bien vous? Oui, ça va bien. Eh hey, ça brasse hein, le sport? Ah écoute, c'était une fin de semaine. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient cette fin de semaine. Bon, que le Canadien joue, ça c'est pas nouveau. Mais quand même, là, du côté du football, on approche de plus en plus du Super Bowl. C'était en fin de semaine les finales de conférences. Alors, je vais en parler un petit peu plus tard, là, mais c'était le gros événement. Il n'y a pas de nom pour ça, là. C'est comme le Medium Bowl. Non, ça, c'est ce que tu penses, c'est les au football collégial. OK. Où est-ce qu'on a différents bowls, ouais, là, les Sugar Bowl, les Rose Bowl, les Cereal Bowl. Les Cereal Bowl, ouais. Les Toilet Bowl, effectivement. Ouais. Donc, c'est ça. Mais dans la NFL, c'est format série éliminatoire, un peu comme on retrouve au hockey. OK. Si on a comparé, donc... là-dessus, là, c'est ça. Mais regarde, on va y aller, on va parler du Canadien déjà. Mais ma voix est... Elle pas pire. OK, ça va être mieux comme ça. Enroué ce matin, là, fait peut-être fait pas si froid que ça. Ça a remonté. C'est hein? Correct, hein, ouais. Ça a remonté un peu, là, dans les classements de la météo. Canadien jouait deux matchs vendredi et samedi. Ils affrontaient tout d'abord les Penguins de Pittsburgh vendredi. Un match qui s'est soldé par une défaite de 5-4 du Canadien en prolongation. On le sait, là, du côté... on le sait, ils sont pourris. Ben, j'ai dit prolongation. Du côté en fusillade, devrais-je dire. On sait que le Canadien était capable de protéger une avance depuis quelques semaines. Ça s'est continué là, contre les Penguins de Pittsburgh. On avait une avance de 3-1 et même de 4-2 en deuxième période. On a laissé les Penguins revenir dans le match. Evgeny Malkin, Gino Brisantine à 17-17 de la troisième période. Là. Qui a ramené les deux équipes à la case départ et finalement en fusillade. On sait, la fusillade, je serais curieux de voir une statistique là-dessus. Pour le Canadien, le nombre de matchs, notre pourcentage d'efficacité en fusillade, le nombre de tirs qu'on prend et qu'on compte par rapport au nombre de tirs qu'on reçoit et qu'on arrête. Parce que voyez-vous, là, présentement, le Canadien a 9 défaites en prolongation en fusillade cette année. Ils sont dans l'Est deuxième, à égalité avec la Caroline qui est au dernier rang et avec la Floride qui elle, est au troisième rang. Bon, bien sûr, il y a un jeu de division à prendre en compte là-dessus. Et c'est ça, officiellement, là, ils sont troisième dans la Ligue à égalité. Là, Los Angeles qui se glisse entre eux là, et la première position, là, Caroline. Pas Caroline, plutôt Floride. Tout de même, bon, une défaite de plus. Donc, c'est pas grave, on commence à être habitué. Hein? Sur Twitter, des choses qui sont apparues que j'ai trouvé intéressantes. Twitter, bon, ceux qui ne sont pas nécessairement familiers, le hashtag, Mathieu, tu peux m'expliquer ce qu'est un hashtag? C'est comme un genre de mot-clé que tout le monde met, puis tu peux facilement trouver les résultats de qu'est-ce qui se dit autour de ça. Exactement. Alors, deux hashtags sont nés dans les derniers jours que je trouve super drôles, super intéressants et apparaissent souvent dans les discussions à propos du Canadien. C'est le hashtag Fell for Nell ou Blow for Grigo. Nell étant Nell Yakupov, un joueur de l'équipe russe là, qui est classé deuxième là, présentement selon la centrale de recrutement. Okay. Et Blow for Grigo, ben Grigo, c'est Mikhail Grigorenko qui est pour les Remparts de Québec. Donc, c'est donc dire, on est rendu à ce point-là, on préfère perdre du côté des partisans plutôt que de gagner quelques matchs pour faire les séries, puis se retrouver avec un mauvais choix de repêchage. Donc, on en est rendu là. Je pense que c'est le... Non, mais il faut que ça se fasse un moment donné. Ouais, c'est ça. C'est parce que si on le fait pas là... Ouais, mais il y a eu plusieurs années où on disait faut que ça se fasse, mais ça se faisait pas parce que, justement, les gens n'étaient pas nécessairement prêts à perdre. Mais là, cette année, le coach est déjà fait mettre dehors. On n'en a pas réengagé un. Il était qu'un entraîneur par intérim. Les gens sont prêts à perdre des matchs. Là. C'est rare. Mais on le sent du côté de la population. Donc, défaite du Canadien contre les Pingouins. T'es écœuré, là. Le lendemain contre les Maple Leafs de Toronto, ben on le sait, c'est jamais facile contre les Maple Leafs. Puis toi, du Canadien, t'en rien y comprendre. Les Leafs qui, eux, se battent pour une place en série pendant que le Canadien se bat pour le fond du classement. Une victoire de 3-1 du Canadien, là. On a enfin réussi à protéger une avance en troisième période. Raphaël Diaz de l'Arcelor. Donc, la filiale du centre, un peu, centre de l'Europe. La Suisse, le Danemark. Géographie, j'ai pas fait ça. Géographie, t'as pas fait, je suis désolé. Ouais. Alors, qui est venu sauver la mise en troisième période pour donner la victoire aux Canadiens à Carey Price, victoire de 3-1. Donc, au classement ce matin, du côté de la Ligue nationale de hockey, le Canadien occupe le 11e rang dans l'Est. C'est pas si mal. Par contre, c'est qu'il y a une bonne différence là, au niveau du Canadien présentement. On est à 53 points du côté des Capitals de Washington au 8e rang. Le Canadien, 11e rang avec 45 points. Donc, il y a une bonne différence. Il y a une différence de 8 points entre la 11e et la 8e place. Et on a aussi un match en main du côté de Washington. Ça va être très difficile, très, très, très difficile là, de voir qui va l'emporter là, dans ces duels-là, qui va faire les séries. Parce que Toronto est à 2 points. Et Winnipeg est encore dans la course, étonnamment. Winnipeg, que j'avais prédit parmi les pires équipes de Ligue nationale. Ouais. Ben, tout simplement parce qu'on se devait de faire des... On est sur la route des longues périodes de temps, vu qu'on joue à Winnipeg, mais qu'on affronte des équipes particulièrement de l'Est et de la Conférence Sud-Est, donc les Carolines, Floride et Washington. Mais ça va bien du côté de Winnipeg. Donc, oui, on est à 8 points du 8e rang, mais on est aussi à 2 points du dernier rang de la conférence tenue par les Hurricanes de Caroline. Par contre, les Hurricanes, 2 matchs en main sur le Canadien. Donc, c'est pas fait. Mais on est très loin, très, très loin pour le Canadien. Hey, je vous parle d'une autre histoire dans la Ligue nationale que j'ai remarqué. Les Sabres de Buffalo sont en chute libre. Chute libre. Aucune victoire à leurs 5 derniers matchs. On est présentement au 14e rang dans l'Est. Les Sabres de Buffalo, une équipe qui, l'an dernier, avait fait des séries. Je crois qu'ils étaient classés 6e, 7e. J'ai un petit blanc là-dessus. Là. Avait fait des séries. Mais là, ça va pas très bien. Et on le sait du côté de Buffalo, c'est le vieux Lindy Ruff qui est là. Lindy Ruff qui est là, l'entraîneur-chef avec le plus d'ancienneté dans la Ligue nationale. Ouais, ça fait longtemps qu'il roule, là. Il est là depuis 97. Donc, ça va bientôt faire 15 ans que Lindy est à la barre des Sabres. Donc, il en a vu passer des joueurs et même plusieurs chandails, plusieurs changements de couleurs. Donc, c'est une chute libre. Et ce qui est arrivé, c'est que cet été, on a un nouveau propriétaire du côté des Sabres. On s'est dit, ben, je vois, on va investir. Ça vaut la peine. On a signé Christian Ruff, on a signé Villalaino, on a signé Robert Rigger. Ça marche pas là pour l'instant. Rien qui se passe là. Rien qui se passe pour l'instant. On fera évidemment pas les séries du côté des Sabres. Et là, vous se demandez, est-ce que Lindy Ruff va garder sa job là? Là, depuis 97, oui. Signé une prolongation de contrat cet été, donc ça l'aide aussi. Mais. Ça, on va se retrouver de quoi ailleurs? Oui, probablement, mais. C'est des entraîneurs devant 15 ans. Puis je veux dire, les Sabres vont pas gagner la Coupe, vont pas terminer premier au classement en 15 ans. Pourtant, on a vécu des crises là, du côté de Buffalo, on n'a pas tout à fait désiré, on n'a jamais foutu l'entraîneur dehors. Il faudrait arrêter de se mettre la tête dans le sable. Ben. Sable. Je veux dire. Oh boy. OK. ça allait bien. Fait que. Jusque là, ça allait très bien. Hein. Ouais, c'est ça. Mais sinon, un autre coach. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à Buffalo, là, on n'a pas foutu coach dehors à tous les deux et demi. Non. Depuis que Lindy Ruff est là, je pense qu'il y a à peu près 5 entraîneurs qui sont passés chez les Canadiens de Montréal. C'est révélateur, là. On va voir ce qu'on va faire du côté de Buffalo. Mais. Est-ce que c'est une solution? Moi, je crois que Lindy Ruff a toujours réussi à faire le mieux possible avec les moyens du bord à Buffalo. Là, si on lui montre la porte, là, alors que ça va pas très bien, c'est plate. Ce serait assez Buffalo. Buffalo. Continue, moi, je trouve que son Ruff, c'est jeu de mots un matin. Oh! J'osais pas le faire, c'est trop facile, ça. Ah, écoute, j'ai été dans la facilité, ça me dérange pas. Donc, on va voir ce qui va se passer du côté des Sabres de Buffalo. Est-ce qu'il y a un changement d'entraîneur qui s'en vient dans pas très long? Si oui, ça va être, entre parenthèses, une dynastie là, qui va s'éteindre dans la Ligue nationale. Lindy Ruff, Barry Trotz, probablement les deux des plus vieux. Pourtant, ça n'a pas gagné la Coupe cette année. C'est une question d'établir une relation de confiance. Lindy Ruff l'a déjà gagné? Mais non, Lindy Ruff avait... Les Sabres avaient perdu en 99 contre les Stars de Dallas, le fameux but de Brett Hull. Lors du sixième match, son patin était dans le cercle des gardiens, mais on ne l'avait pas appelé la pénalité du côté national, but en prolongation de Brett Hull. On l'a encore sur le cœur à Buffalo, ça, ouais. C'est sûr que c'est. Ça rappelle. Ouais, ça rappelle. Hey, je change de sujet, on s'en va avec Hockey Junior Major du Québec. Les Cataractes disputaient 2 matchs cette fin de semaine. Vendredi, c'était le gros match à Québec. Il y avait 12 255 personnes. Wow. Si vous demandez pourquoi Patrick Roy n'est pas nécessairement intéressé tant que ça à aller dans la Ligue nationale, vous avez votre réponse. 12 255 personnes, alors que la moyenne de foule dans la ligue est à peu près de 2800-2900. Ouais. C'est bien, c'est payant. Ça coûte pas cher payer des joueurs de hockey, là. Non, non. Tu payes un beau gros autobus, puis un avion de temps en temps pour aller des Maritimes, contrairement aux autres équipes. Donc, victoire des Cataractes 5-1 sur les Remparts. Ils ont écrasé. Il faut dire que les Remparts, là, c'est une équipe qui joue moins bien ces temps-ci. Ont été à la tête du classement pendant un bon bout, mais là, ils sont cinquièmes à ce même classement. On est sur une séquence de 5 défaites en temps régulier, une en prolongation. Et dans les 10 derniers matchs, c'est 2-5-2-1. Donc, très mal du côté des Remparts. À noter là, dans ce match-là, la performance de Maximilien Lecier, un but, une passe, et du défenseur Morgan Ennis avec deux passes. C'est Gabriel Girard qui était dans les filets. Gabriel qui semble avoir repris la tête. Vraiment, là, je pense qu'il est en train de confondre les sceptiques. Devrait être le gardien en poste dans les séries éliminatoires pour les Cataractes. Le lendemain, par contre, c'est Alex Dubo qui était dans les filets contre Gatineau. Et Dubo n'a pas très bien paru, mais n'a pas été le seul à mal jouer. Une défaite de 4-2 des Cataractes sur Shawinigan. On était sur une séquence de 7 victoires, ça vient de tomber à l'eau. Du côté des Cataractes, vraiment 39 tirs du côté des Cats, mais ça reste que ça n'a pas été un très bon match. On a tenté la remontée en troisième, 18 tirs seulement en troisième. Par contre, ça n'a pas été suffisant là, pour battre les Gatinois qui, de toute façon, là, en troisième, à la septième minute, ont mené jusqu'à 4-1. Bonival a réduit l'écart à la dixième minute du match, mais il était beaucoup trop tard. Ça a bardé un peu aussi à la fin du match, là, une petite altercation, les cinq gars à la glace. On s'est amusé à se tapocher un peu. Là. Après, il y avait eu un contact sur le gardien François Lacerte. Là, c'est ce qui expliquait ce qui a fait que les fils se sont touchés. Au classement régulier, classement général de la saison régulière, voilà, de la Ligue d'Hockey Junior Majeure du Québec, c'est les Sea Dogs de St. John's qui sont au premier rang avec 70 points. Toutefois, les Cataractes sont au même niveau, 70 points eux aussi, ont même un match en main. Donc, on est à égalité au premier rang de la Ligue d'Hockey Junior Majeure du Québec. L'Armada de Blainville-Boisbriand vient au troisième rang avec seulement 53 points suivis. Et là, on oublie les divisions des Tigres, des Remparts, des Mooseheads d'Halifax et de l'Océanique de Rimouski. Le Rocket de PEI ferme la marche au 17e rang. Très bien parti pour le Rocket pour obtenir un premier choix. Le premier choix au futur repêchage, celui de l'été prochain. Caron et Gay, on ne disputait qu'un seul match cette fin de semaine. C'était du côté de Rivière-du-Loup. Les gars, faites preuve de caractère, parce que Rivière-du-Loup, ce qui arrive dans cette ligue-là, c'est que, pas juste dans cette ligue-là, c'est loin Rivière-du-Loup, point. Certains joueurs sont pas toujours en mesure de faire le voyage pour différentes raisons professionnelles. C'est-à-dire, si tu termines à 4 heures au travail, c'est un peu difficile des fois de te rendre à Rivière-du-Loup à temps, bien évidemment. Donc, c'est une victoire. Donc, on avait deux joueurs en moins dans l'alignement, 17 au lieu de 19. Tout de même, on l'a emporté. Rivière-du-Loup qui avait une avance de 2-0 à la mi-match quand Peter James Corsi a réussi à réduire ça. La Fontaine dans ses périodes. Corsi et Jacques dans un filet des autres troisième période ont donné la victoire au Caron Aiguet et à leur gardien Julien Ellis qui a encore bien paru. On a une belle victoire de caractère là, du côté du Caron Aiguet. Ça le prend là, parce que au niveau du classement, là, on commençait lentement mais sûrement à perdre de vue le premier rang de. Mais je vous avais expliqué là, le premier rang. Ouais. Oh, là, on a une deuxième. À la mi-saison. À la mi-saison, si on ne l'avait pas eu, là, c'était les Marquis du Saguenay. Par contre, là, on a un deuxième championnat de mi-saison. Et là, du côté du Caron-Aiguet, on est présentement cinquième avec 6 points. Par contre, on a deux matchs en main sur le Wild de Windsor qui occupe le premier rang. Donc, il n'y a absolument rien d'impossible là, du côté du Caron-Aiguet. On pourrait très bien, là, avec deux victoires, occuper le premier rang au classement. Par contre, c'est pas fait, ces deux victoires-là. Et ça sera vraiment pas facile la fin de semaine prochaine parce que on a beaucoup de blessés du côté du Caron-Aiguet. On a perdu en fin de semaine Pierre-Olivier Beaulieu qui est de loin le meilleur défenseur offensif de l'équipe et un des meilleurs de la ligue. Et là, on s'en affronte le Marquis du Saguenay vendredi et dimanche ici à Trois-Rivières. Ça sera pas facile. Vendredi, dimanche, c'est à Jonquière. Dimanche, c'est ici. Et attendez-vous à du brasse, camarade. Attendez-vous. Ouais. Si vous êtes des amateurs de jeux très rudes, ça va être un des matchs à aller voir cette année. De boxe, exactement. Ça va être très tough. très, très tough comme match. Et là, on a beaucoup de blessés du côté du Coron et Gay, donc ça regarde mal pour la fin de semaine. Et la saison finit quand? Bonne question info. Laisse-moi deux petites secondes, je vais te trouver ça. Pendant ce temps-là, je vais vous parler de la période de transaction dans la Ligue nord-américaine de hockey qui se conclut demain, 5h. Donc c'est là qu'on va savoir là, qui... s'il y a du mouvement de personnel qui va se faire là, à travers la Ligue. Est-ce qu'on peut s'attendre à des changements pour le Coronga? Ça va être très calme, très calme. Ce qui arrive, là, c'est que toutes les équipes sont encore dans la course pour faire les séries éliminatoires. Okay. Et comme toutes les équipes sont en mesure de participer, puis c'est en étant en séries éliminatoires, souvent que tu vas réussir à faire ton cash de ce que tu as perdu cette année, ton argent. Personne n'ose être vendeur là, présentement. Wow. Tout le monde est acheteur et personne ne veut commettre d'erreur. Donc, c'est très, très calme cette année. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de choses. Ça va être à regarder, mais là, c'est sûr que du côté du Corriga, on aimerait bien ajouter un défenseur de qualité et un peu de profondeur. La saison de la Ligue nord-américaine de hockey se termine le 30 mars. Okay. Avec un match au Côte d'Étoile-Rivière contre les Marquis, justement. Oh, on finit la saison avec Ouais. Donc, on a un galop box. C'est ça. Je sais pas si à ce moment-là, ça va être un galop box, mais en fin de semaine, là, ça s'annonce comme assez good. Et on s'en vient ici là, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Les Patriotes de l'UQTR qui est en action hier. Un match. OK, là, je vous parle. Là. Un match contre les GGs d'Ottawa. C'était à Ottawa. Et c'était une belle victoire là, de l'UQTR. 6-3, une clinique un peu de hockey. Là. On l'a aisément porté du côté des Pats. Dans cette victoire, à noter la performance de Charles Betty qui a ramassé 2 buts. Belle performance du côté de Betty. Encore une fois, là, on s'écroule un petit peu en troisième. On a des avances de 5-1. On laisse l'équipe adverse revenir dans le match là, en troisième période. Les GGs là, qui ont eu 2 buts rapides à la 15e et 17e minute. Heureusement, Olivier Donovan a complété le tout là, dans un filet désert. Mais tout de même, c'est le fun d'avoir les Pats là, conserver une avance éventuellement. Ouais. Là. Un gros match qui s'en vient pour les Pats, c'est mercredi. C'est dans le carnaval. Donc, on sait, les matchs au carnaval, il y a tout un peu plus d'action. Ouais, ouais. Les mascottes, les gens qui peuvent... Mais bref, c'est le seul match qui a de l'ambiance. Ah, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est plate, mais c'est comme ça. Alors, ça devrait être, si vous voulez voir ce que c'est du hockey universitaire, puis dans un setting où il y a de l'ambiance. Un environnement. Un environnement, exactement, où il y a de l'ambiance, ben c'est mercredi. C'est contre les Stingers de Concordia, les Stingers qui, présentement, occupent le... oups, je vous dis ça, c'est pas très très long. Ça va être piquant. Ouais. Du côté des Stingers. Bon, c'est toute une équipe de milieu de classement là, pour les Montréalais. Et qui présentement, ben, justement, sont au 8e rang de la division. Par contre, c'est très serré, hein, avec un seul gain pour atteindre le 5e rang. Donc, c'est très faisable. Du côté des Patriotes, on consolide de plus en plus notre avance au 3e rang. Au 2e rang, plutôt. On a 35 points. On est seulement qu'à 1 point des Redmond de McGill. Par contre, McGill ont 2 matchs en main sur les Pats. Donc, c'est pas fait non plus. Nipissing au 3e rang avec 28 points. Donc là, du gros hockey qu'on joue présentement du côté des Pats. Parce que dans les 10 derniers matchs, on est 9 victoires et une défaite en prolongation. C'est meilleur que ce que présentement McGill fait. McGill, là, qui sont dans les 10 derniers matchs, ont 9 victoires et une défaite. Donc, ça va très bien. Est-ce qu'on va rattraper McGill? Pas forcément. Non. C'est pas fait. Mais du côté des Pats, ça va extrêmement bien. Football, messieurs! Ça brasse! C'était hier, les finales de conférence dans la NFL. Là, on sait qui va faire le Super Bowl. On sait qui va faire le Super Bowl. Et ça va être une réplique du X-Large 2. X-Large 2. Le Super Bowl 42, bien évidemment, celui de 2008. Entre les Giants de New York et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Je vous avais expliqué ce qui était arrivé là, à cette époque-là. Les Patriots qui avaient une fiche parfaite, immaculée, de 16, 17, 18 victoires en saison régulière. Bon, en saison régulière et les séries. Arrivent au Super Bowl contre les Giants qui étaient de loin défavorisés selon les preneurs. Ça avait été une victoire là, des Giants. Donc, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer. Les Giants, hier, qui l'ont emporté par la marque de 27 contre les 49ers de San Francisco. 49ers qui ont très bien paru, là, qui une équipe qu'on n'attendait plus. Une équipe qui, année après année, avait de la misère. Cette année, Frank Gore, Alex Smith et bon, toute la, toute la troupe là, des 49ers. On est content de voir de l'action dans le vieux Candlestick Park là, qui a connu des la passion. La passion, exactement. L'époque où il y avait l'ambiance des Joe Montana et des Steve Young. Là. Donc, c'est revenu. Tout de même, donc, bonne saison. Les Giants, là, Eli Manning là, qui donne la victoire. C'est leur batteur, là, Lawrence Tynes, qui a donné la victoire en prolongation parce que ça a été... Et là, pour une fois, ça s'est pas terminé sur le premier jeu ou la première séquence sur le terrain à l'attaque. Il a fallu attendre un peu. Du côté des Niners, par contre, on doit être un peu en furie parce que Kyle Williams, qui est le retourneur de beauté, à vrai dire, c'est le deuxième retourneur de beauté, le premier, lui, est blessé. Kyle Williams a fait deux erreurs assez importantes sur les retours de beauté. Durant le match, le beauté, un beauté de dégagement, ce qu'on appelle communément un punt. Le ballon a bondi par terre, avait l'intention de le laisser aller, mais ça en est approché un peu. Le ballon a rebondi sur son genou. Et a continué sa course. À partir de là, ça tombe une balle libre. Ouais, tout le monde peut sauter dessus. Les Giants ont récupéré et ont capitalisé sur le jeu. À la porte des buts aussi. T'es pas trop loin là. T'étais à la ligne de 20-25 environ. T'es pas loin partout. Donc, on n'était pas très loin. Et en prolongation, alors qu'il effectue un retour de beauté, encore une fois, un retour de punt, a échappé le ballon. On a réussi du côté des Giants, on a réussi à faire tomber le ballon. On l'a récupéré. Après ça, on a justement là, capitalisé là, avec un beau petit beauté là, très bien fait, qui a donné la victoire aux Giants. L'autre finale de conférence, c'était entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Ravens de Baltimore. Je vous laisse écouter la fin de ce match. Here comes Billy Cundiff to tie this game and in all likelihood send it to overtime. The last 2 years, 16 of 16 in the fourth quarter on field goals. 32 yards to tie it. And the kick, look out! Look out! It's no good! It's no good! Et voilà, Billy Cundiff. No go! Le batteur des Ravens de Baltimore qui non seulement pas manque le botté, l'envoie à gauche. Ah, oh, complètement. Ah, oh, plus à gauche que ça, t'es Québec solidaire. C'est pas plus compliqué que ça, là. Wow. C'était très, très loin. Si on regarde la séquence un peu, là, du côté de Billy Cundiff, c'est vraiment... Ça revient à la course, se place rapidement. Ah, pas tout à fait eu le temps de se placer. Tout de même, t'es un batteur et on l'entendait. T'es payé pour ça, là. Ouais, oh, t'es payé pour ça. Et on l'entendait, là, dans la séquence qu'on vient d'entendre. Était 16-16 l'an dernier là, dans ses bottes au quatrième quart. Il n'avait pas raté. Hein. Et là, le plus important, probablement, un des plus importants de sa carrière là, qui est passé là, très, très loin des deux poteaux. Donc, c'était une victoire de 23-20 des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Un match extrêmement serré, justement, qui s'est décidé là, au fil d'arrivée. Les batteurs ont été vraiment là, à la source des succès. Non, mais la source des succès dans ce match-là. Du côté des Patriots, là, le batteur Steven Gostkowski a réussi ses trois placements de 29, 35 et 24 verges. Donc, 35? Hein? 35. Oh non, ces gars-là sont capables de botter 59, 60. Là, c'est des machines. À lui seul a réussi 9 plus ceux des touchés. Là, faites le calcul, à peu près 12 points ah ouais. De son équipe. Donc la moitié des points de son équipe sont allés au batteur. Donc, Cundiff, pas facile. Tom Brady, qui était pas très bon hier, certains diront en termes vraiment pitoyables pour un Tom Brady, là, bien sûr. Là. Aujourd'hui, là, il a réussi 22 de ses 36 passes, mais seulement des gains là, de... Non, ça, c'est Joe Flacco, excusez-moi. 22 de ses 36 passes, Brady, seulement 239 verges. Et deux interceptions. Donc, Brady, là, cette année, laisse un petit peu trop d'interceptions. Il va rebondir au Super Bowl. Il va rebondir au Super Bowl, on l'espère. Parce que là... Comme une super balle. Super Bowl. C'est super bon. Parce que là, du côté des Patriots, je peux pas te laisser les faire tes jeux de mots, man. Ça tue le rythme. Oui. C'est ça. Blâme-moi pour ton manque de rythme. du côté des Patriots, bon, on veut prendre notre vengeance du Super Bowl de 2008 alors qu'on l'avait échappé carrément, là. Donc ça va être intéressant à voir. C'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine. C'est en direct d'Indianapolis. Donc, au Lucas Oil Stadium. La semaine prochaine, c'est le toujours non intéressant Pro Bowl. Bon. Le match le plus plate de l'année. C'est un match des étoiles. Mais un match des étoiles entre des gars qui sont pas payés pour aller là, qui ont pas le goût de se faire mal. Ça donne jamais un très grand spectacle, bien évidemment. Donc, ça va être à suivre, mais attendez-vous à un excellent Super Bowl. Commencez tout de suite à faire dégeler vos croquettes. Vos croquettes, vos frites, votre salsa. C'est la fin de semaine qui s'en vient là? Non, t'as raqué, c'est ça. Donc, tu vas avoir encore. Je t'écoutais. Mais tu vas avoir une chronique, donc, lundi prochain pour nous faire un plat comme à chaque année. Exactement. Super Bowl, ben oui. Je vais vous préparer là, votre guacamole de football, tout ce que vous avez à savoir sur ce Super Bowl. Et en terminant, messieurs, c'était une fin de semaine, une période de à partir de jeudi très triste. On y va tout d'abord avec la skieuse Sarah Burke. Ouais, qui a rendu l'âme là, dans un hôpital de l'Utah, de Salt Lake City. Sarah Burke, qui était inconnue au Canada, avouons-le, discutons. Sarah Burke, c'était très rare qu'on en parlait, qui a chuté lourdement dans ce qu'on appelle le super pipe, le half pipe, la demi-lune, la super demi-lune. Qui est des murs, je crois, de 24 pieds. Ouais, c'est énorme, là. C'est 24 pieds. Puis tu vas 8-10 pieds en haut de ça. Ouais, pour vous donner une idée, là, c'est ça. On est à peu près du côté des filles, là, entre 30-34 pieds dans les airs. Ah, c'est malade. Il y en a une au Québec, c'est à Stoneham. Et pour s'assurer qu'on soit capable de la construire chaque année, on a dynamité la montagne pour faire le bol. Ah, ouais. Donc, tu sais, ça en dit très long, là. Donc, qui a lourdement chuté, qui s'est rompu une artère qui mène au cerveau. Sur le coup, a survécu. Par contre, on a procédé à des opérations, mais il était beaucoup trop tard. Les dommages avaient été irréparables à son cerveau. Donc on... Quel âge qu'elle avait? Ah, seulement 29 ans. Là, pis c'est plate à dire, là, mais c'était une très jolie fille. Et dans le sport féminin a de la difficulté à se vendre. Et c'est plate à dire, mais c'est souvent les filles qui sont les plus jolies qui vont réussir à attirer l'attention des commanditaires. Mais dans son cas, c'est qu'elle était pas juste jolie, elle était très bonne. Donc, c'était vraiment l'ambassadrice parfaite pour son sport. Et même, elle était une de celles qui s'est battue pour que la demi-lune en ski soit intégrée aux Olympiques. Ça allait l'être aux Jeux de Sochi en 2014. Malheureusement... Elle aurait fait partie de ça. Malheureusement, c'est ça, là, Sarah Burke. Et là, ce qui est triste un peu, là, c'est que du côté de sa famille, là, c'est des factures de 550 000 $ qu'on doit s'acquitter à l'hôpital de l'Utah. Là, donc, qu'on a ça. Parce que c'était pas une compétition fédérée. C'est une compétition... OK, quand c'est fédéré, c'est... Ski Canada, t'as des assurances. Pays, exactement. Présentement, là, il y a... Il y a une campagne de financement là, qui est lancée. On a jusqu'à présent là, 276 000 d'amassés. Je me croise les doigts, là, ces commanditaires qui vont mettre la main à la pâte, là, qui vont aider la famille. Donc, c'était la première mauvaise nouvelle. Deuxième mauvaise nouvelle, l'entraîneur de football Joe Paterno qui a rendu l'âme. Vous vous souvenez, je vous parlais plutôt dans l'année là, du scandale qui est arrivé à Penn State. Un entraîneur, entraîneur avec des jeunes garçons. Bon, Paterno qui avait perdu son poste parce que on dit qu'elle n'avait pas tout fait pour que... On y a mis beaucoup sur les épaules. Pas tout fait pour... Mais il l'a pas dit. Aller aux autorités, exactement. Dénoncer Jerry Sandusky. Ouais. Bon, a perdu son poste. Après ça, il est allé faire un rendez-vous de routine du côté de son médecin. On s'est rendu compte qu'il y avait un cancer du poumon. Et ça a été extrêmement rapide. Là, a rendu l'âme cette fin de semaine. C'était dimanche matin, si je ne me trompe pas. Aux côtés des siens, sa famille. Donc, M. Patolo, une légende du football qui s'éteint. Si vous croyez que le football n'était pas toute sa vie... Ça n'a pas été très long hein, quand même. Là, on dirait que c'était le cancer, mais peu importe. Je trouve que ça a dit non. Ça n'a peut-être pas aidé là, tout ce qui s'est passé là, pour le stress et tout ça. Et une autre mauvaise nouvelle qu'on a appris là, au cours de la semaine dernière, là, l'ancien receveur des Expos de Montréal, Gary Carter, qui combat plusieurs tumeurs au cerveau. Bon, ben on avait entamé des traitements puis ça allait beaucoup mieux. Semble-t-il qu'il a fait une rechute. Et ça regarde très mal là, pour M. Carter, une légende du sport à Montréal qui a été probablement le meilleur ambassadeur que les Expos ont pu avoir au Québec et qui a remporté la Série mondiale avec les Mets de New York en 86. Bon, mais merci beaucoup, François. Excuse-moi, Nicolas. Ouais, désolé de terminer la chronique mais c'est le revers de la médaille et les difficiles moments du sport là, dans les trois cas. Ouais, il n'y a pas que du bon. Ah non, exactement. On se retrouve la semaine prochaine, lundi à 8h30 pour notre chronique du charme et du sport. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Si la tâche d'écouter le nouveau RDS Info, comment ça aujourd'hui? C'est aujourd'hui? C'est ma seule grosse nouvelle, moi, de ce bah, sport. Bref, c'est RIS avec une nouvelle mouture. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc, je doute fortement. Que ça va marcher. Non, mais je veux dire, c'est on a RDS, on a RDS 2, RDS Info en plus. Je veux dire, normalement, avec Internet et tout, je ne sais juste pas si c'est nécessaire. Et voilà. Et mais voilà. Ça la ramasse de l'argent de plus. Bon. Ah oui, exactement. Donc, merci encore une fois, Nick. Nous, c'est la fin de l'émission. On va se retrouver demain à 7h avec une autre édition d'Assemblage Requis. Demain à l'émission, on aura Stéphanie Gagné avec sa chronique Ton plat favori à 7h30. Oui, exactement. On reçoit Anne-Julie Durocher qui nous parle de l'OGIL. Et puis à 8h30, on aura la chronique de Marie-Pierre Laforge-Bourret, sa chronique littéraire. Entre ça, il y aura évidemment la chronique Gabriel sur le carnaval. Grâce. Ben oui, Gabriel de Grasse, qu'on lui dit d'ailleurs merci ou de gracias. De gracias. Nicolas Ducharme, Kiwan La Liberté, Xavier Antoir, vous d'avoir écouté, toi François-Louis Marchand. Mathieu Plante. Bye, à demain. Bye bye. On se quitte sur une pièce évidemment de Mister Valar qui sera en spectacle demain au carnaval. C'est November Number 3. Bonne journée. Surprise, I don't want you to cry for me.